Les petites histoires de Tell Me. Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous propose une histoire bonus. Le roi d'Agobert, le dragon gascon. Un livre jeunesse de Christophe Loupy et Héloïse Solt, publié chez Little Urban dans la collection Premier Roman. Il est raconté par Mathieu Farcy. Bonne écoute. Dagobert est de retour. Le roi Dagobert revenait de la guerre. Non, ce jour-là, il avait tout mis à l'endroit. Sa culotte, à l'endroit. Son armure, à l'endroit. Son cheval, à l'endroit. Et toute son armée le suivait en ordre de marche. Fatigué, certes, mais bien en place, car, en fait, une seule et même pensée occupait l'esprit de chacun. Atteindre au plus vite le château pour y trouver un repos bien mérité. Le roi Dagobert était un petit homme, haut comme trois melons de Gascogne. Mais il ne fallait pas se fier à sa taille. Il était un chef respecté, un guerrier chevronné. Il avait déjà battu 10 Turcs avec, pour toute arme, une simple cuillère à café. Il avait également affronté une meute de loups affamés avec quelques pinces à linge. Et sur l'océan Atlantique, des vagues de 6 mètres avec une planche sans voile. Il a même survécu à la bouillabaisse de la Tata Lulu. Cependant, lorsqu'il franchit ce jour-là le col du Grand Gousier et qu'il aperçut son château au fond de la vallée, il ne put retenir une larme de bonheur. Oh, bien sûr, personne ne s'en aperçut, car il avait pris soin de refermer son home. Il cria à ses hommes « Voici à la haisson !» Mais personne ne répondit. Ses chevaliers échangèrent seulement quelques regards, une façon d'interroger les autres pour savoir s'ils avaient compris. Que fallait-il répondre au roi? Si quelqu'un répondait « oui » au lieu de « non », le roi était capable d'entrer dans une colère noire et de botter les fesses à l'insolent. Et se faire botter les fesses par un roi en armure, tous en avaient peur depuis que Balotin leur avait confié que ça piquait terriblement. Le roi insista en agitant les bras. « Voici à la haisson !» Il avait l'air remonté. Explosait-il de joie ou de colère? Nul ne pouvait le dire. En revanche, tout le monde s'accorda pour intervenir au plus vite auprès du roi. Les chevaliers poussèrent Balotin devant eux. Arrivé au pied du roi, Balotin transpirait de peur. Il décida de faire diversion. « Oh, regardez, monseigneur, nous arrivons enfin au château !» À ce moment-là, le roi souleva la visière de son home et répondit « C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, abruti! Nous voici à la maison! Balotin, pour te punir de ton insolence, ce soir, tu seras privé de dessert !» Oh, le chevalier le supplia à genoux. « Oh non! Pitié, mon bon roi! Tout, mais pas ça !» Mais le roi Dagobert ignora sa requête. D'un geste chevaleresque, il fit avancer son destrier vers la vallée. Il était pressé de rentrer chez lui, d'autant plus que sa culotte commençait à glisser dans son armure, et il avait horreur de sentir le métal froid sur ses fesses. Le village fantôme. Quand Dagobert et ses hommes entrèrent dans le village, ils furent très étonnés. Aucune âme ne l'animait. Pas un vieillard sur le banc, pas un enfant dans la rue, pas le moindre volet ouvert. Tout le monde semblait avoir déserté les lieux. Le roi engagea son destrier dans la rue principale. Un silence de mort y régnait. Au loin, tout au bout de la rue, il apercevait son château. Mais là non plus, rien ne bougeait. Étrange. « Où mes sujets sont-ils donc tous passés ? » s'exclama-t-il. Balotin ne répondit pas. Tout d'abord parce qu'il ignorait, mais également parce qu'il repensait encore au dessert qui allait lui passer sous le nez. Les autres chevaliers ne disaient rien non plus. Ce n'était pas le dessert qu'ils sentaient passer sous leur nez, mais carrément tout le repas. Plus de boulanger, plus de bouchers, plus personne pour leur préparer le banquet de retour. Eux qui s'attendaient à être reçus comme des seigneurs. Le roi Dagobert atteignit enfin la place du village. Il descendit de cheval, puis, retirant son aume, il tourna autour de la fontaine en criant « Y a quelqu'un ? Ohé ! Y a quelqu'un ?» Mais seul le silence lui répondit. Dagobert commençait à s'énerver. Il marchait en tapant du pied. Cette situation l'exaspérait. Il se mit à crier. « Je donne un écu d'or à celui qui me répond le premier !» Aussitôt, tous les volets des maisons s'entr'ouvrirent et l'on put voir ici et là des mains qui se tendaient. Un sourire de victoire se dessina sur le visage du roi. Il attrapa le bras le plus proche et tira dessus si fort que son propriétaire fut littéralement éjecté de sa maison. « Qu'est-ce que c'est que tout ce cirque ?» demanda le roi. « Chut ! Pas si fort, monseigneur !» chuchota l'homme apeuré. « Comment ça, pas si fort ?» commença le roi en criant. Puis se reprenant, il murmura à son tour. « Comment ça, pas si fort ?» Les yeux de l'homme roulèrent de droite à gauche, comme ceux d'un animal traqué. « Il pourrait nous entendre. » « Il pourrait nous entendre, » répéta le roi incrédule. « Oui, il est là, au château, mais souvent il descend dans les rues du village. »« Qui ça ?»« Le dragon. »« Le dragon. Oui, le dragon gascon. Il est terrible. » Le terrible dragon gascon. Le roi Dagobert et six hommes s'arrêtèrent devant le château. Tout semblait calme. Le porche de l'entrée était noyé dans l'ombre. Rien ne bougeait. Le roi sentait derrière lui les regards inquiets de ses chevaliers et, un peu plus loin, ceux pleins d'espoir des villageois. Il était très fatigué. Il n'avait qu'une envie, rentrer chez lui. Devant tout ce calme, il avait de plus en plus de mal à croire qu'un dragon avait élu domicile dans son château. « En avant !» s'écria-t-il en s'élançant. Seul. Il s'arrêta, se retourna, le sourcil menaçant. « J'ai dit « En avant !» Cependant, aucun de ses chevaliers n'osait avancer. Eux aussi étaient épuisés par toute leur bataille et ils ne se voyaient pas affronter un dragon. « Si vous ne me suivez pas tout de suite, » hurla le roi, « je vous botte les fesses !» Aussitôt les chevaliers descendirent de leurs chevaux, ils s'approchèrent du roi et lui présentèrent leur postérieur. Dépité, Dagobert se demanda ce qu'il avait fait au bon Dieu pour mériter cette bande de crétins en conserve. « Ballotin !» hurla-t-il, « je supprime la punition. Tu auras droit à un bon dessert ce soir si tu vas combattre le dragon. » Ballotin haussa les épaules. « De toute façon, dit-il, il n'y a plus rien à manger. »« Si tu nous débarrasses de ce dragon, tu auras une double ration de dessert, toute ta vie !» insista le roi. Les yeux de Ballotin s'illuminèrent. « Double ration ? » répéta-t-il. « Oui, toute ta vie !» précisa le roi. Ballotin saisit son épée et partit en courant en direction du château. Il faisait très sombre. Ballotin, circonspect, avançait d'un pas lent. Il se demandait s'il avait eu raison d'accepter. C'était la première fois qu'il avait affaire à ce genre de créature. Une multitude de questions lui traversa la tête. Ça mange quoi, un dragon ? Des êtres humains ? Du bœuf ? Des frites ? Des cacahuètes grillées ? Des saucisses, des bonbons, des sushis. Et ça crache réellement du feu? Ou peut-être juste de la fumée? Oui, ce serait bien ça, juste de la fumée. Ou des rayons de soleil. Ballotin se dit qu'il aurait peut-être dû se mettre de la crème solaire avant de partir. Il était mort de trouille. Il déglutit, serra les dents, et il pensa au bon dessert qu'il dégusterait s'il triompherait. Il continua à marcher dans l'obscurité en criant « Il y a quelqu'un ?» Sa voix mal assurée résonnait toute seule au monde. Puis il aperçut deux points jaunes dans le noir. Aussitôt il s'arrêta. Était-ce les yeux du dragon qui brillaient devant lui ? « Il n'y a personne !» reprit-il d'une toute petite voix pleine d'espoir. Pour toute réponse, une flamme surgit de nulle part, éclaira les lieux. Les yeux jaunes virèrent au rouge. « Je suis le dragon Gascon, » déclama la créature d'une voix caverneuse, « et je me suis installé dans ce donjon. Si tu ne veux pas ressembler à une banane flambée, tu ferais mieux de te sauver. » Ponctuant sa menace d'une belle flamme jaune, il caressa les pieds de Balotin d'un feu ardent. « Au secours !» hurla Balotin en tournant les talons. Puis il s'enfuit à toutes jambes sous les ricanements du dragon. Dagobert contre le dragon. « Bon à rien !» cria le roi Dagobert. « Vous n'êtes qu'une bande de bons à rien !» Quelques minutes plus tôt, Balotin était revenu, tremblant de la tête aux pieds, et ses camarades, le voyant ainsi terrorisé, avaient refusé d'affronter ce terrible dragon. « Puisque c'est comme ça, » décida Dagobert, « je vais y aller moi-même, et je vais vous montrer ce qu'est un vrai chevalier. » Le roi remit son aume et avança d'un pas décidé vers le château. C'était son château, et il était hors de question qu'un vulgaire chauffagiste s'y installe impunément. Dagobert passa sous le porche. L'intérieur du château était maintenant éclairé par de grands chandeliers. Le roi aperçut le dragon qui, au fond de la salle, achevait d'allumer les dernières bougies. « Tu n'as rien à faire ici, dragon !» s'écria Dagobert. Surpris, le dragon se retourna vers lui. « Tu es dans mon château !» continua le roi. « Je t'ordonne de déguerpir tout de suite !» À ces mots, le dragon éclata de rire. Mon petit bonhomme, tu es trop drôle. Je suis le dragon Gascon et ton château est maintenant ma maison. Si tu ne veux pas finir en gigot braisé, tu ferais mieux de te sauver. Dagobert sentit la colère monter en lui. « Comment ça, mon petit bonhomme? Comment ça, trop drôle? Comment ça, ta maison ?» Il leva son épée et se rua sur le dragon en hurlant. « Espèce de tuyau de poils plein de suif! Tu vas voir de quel bois je me chuche !» Mais Dagobert n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Une flamme géante l'enveloppa. Bien à l'abri dans son armure, il continua d'avancer. Puis, lorsqu'il jugea être à portée d'épée de la créature, il abattit son arme dans tous les sens. Cependant, il ne lui était pas aisé de localiser son adversaire derrière ce rideau de flammes. En plus, il faisait très chaud. De plus en plus chaud, même. Excessivement chaud, brûlant. Le roi Dagobert jaillit de son armure comme un bouchon de champagne. Pouf ! Il eut juste le temps de rajuster sa culotte et de s'enfuir avant que le dragon ne lui adresse une dernière flamme. Quand le roi retrouva ses chevaliers, il n'était pas fier. Culotte au vent, un peu brûlée, et aume de travers, Balotin commençait à sortir sa crème après soleil quand Dagobert brandit son épée en hurlant. « Le premier que je vois sourire !» ou même esquisser l'ombre d'un frémissement, d'un début de sourire, je le transforme en carpaccio d'andouille. » Et Sébastien arriva. Le roi Dagobert était désespéré. Cela faisait 3 semaines que son armée et lui campaient sur la Grand Place. Personne n'avait réussi à déloger le dragon. Pourtant, il avait passé une annonce dans « Le chasseur de dragons français » en proposant une récompense royale à qui le débarrasserait définitivement de cette créature. Mais personne n'y était parvenu. Un chasseur africain, spécialiste des dragons en tout genre, avait dû capituler. Un diplomate chinois était venu parlementer avec la créature. Mais il était finalement ressorti plus vite qu'il était entré. Puis une sorcière, un ogre et une armée de fantômes se succédèrent pour effrayer le dragon, mais repartirent aussi carbonisés que des morceaux de saucisse oubliés sur un feu de camp. Le roi Dagobert se lamentait de ne pouvoir un jour rentrer chez lui. Puis un matin, Sébastien Artagnan arriva. Sébastien était un garçon de 7 ans, au regard futé. Ses parents étaient de simples paysans, des sujets, comme tant d'autres. Ils cultivaient leurs champs, un pour eux, beaucoup pour le roi. « Bonjour, » fit Sébastien. « Salut, gamin, » répondit Dagobert d'une voix morne. « Tu veux que je m'occupe de ton dragon ?» demanda l'enfant. Le roi sourit. « Tu es bien gentil, mon garçon, mais je doute que tu réussisses là où les plus experts ont échoué. » Toutefois, Sébastien suivait le fil de sa pensée. « Tu as promis un coffre plein d'or à qui te débarrasserait du dragon, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Ce serait bien pour mes parents, car tu sais, ils travaillent dur pour toi depuis des années. » Dagobert posa une main amicale sur l'épaule du garçon. « Si tu réussis à me débarrasser définitivement de ce maudit dragon, » dit-il sans trop y croire, « non seulement je t'offre le coffre promis, mais je ferai de toi et de toute ta famille des citoyens d'honneur de mon royaume. » Le visage de Sébastien se fendit d'un large sourire. « Et on fera une grande fête ?» La spontanéité de l'enfant redonna le sourire au roi. L'espace d'une seconde, il en oublia ses soucis. « Et on fera une grande fête, » répondit-il. Sébastien le rusé. Sébastien Artagnan marcha jusqu'à l'entrée du château. Là, il s'assit tranquillement sur le pavé et posa son sac de toile près de lui. « Ohé, dragon, je suis ton nouvel adversaire !» Mais il n'eut pas de réponse. Sébastien renversa le contenu de son sac devant lui, des dizaines d'épis de maïs qu'il avait pris dans le champ de son père. Il en attrapa quelques-uns et les attacha ensemble pour se fabriquer un casque. « Ohé, dragon !» cria-t-il de nouveau. « N'aie pas peur ! Ne reste pas caché dans ce château !» Cette fois, quelque chose bougea à l'entrée de la forteresse. « Je ne me cache pas, » répondit le dragon en sortant. « Et ce n'est pas un garçonnet comme toi qui va me faire peur. » Sébastien ne semblait pas impressionné par le dragon. Il était en train de fixer ensemble de nouveaux épis en formant un disque cette fois. « Tu vois, maintenant j'ai un bouclier. » Le dragon ricana de plus belle. Un bouclier en épis de maïs. T'es trop drôle, gamin. Ne ris pas, dragon, dit Sébastien. Maintenant que j'ai terminé mon bouclier, je vais réaliser une fourche en épis de maïs pour te piquer les fesses. Ouh, me piquer les fesses. Ouh là là, maman, j'ai peur. Sébastien venait de terminer sa fourche. Sans prêter attention aux moqueries du dragon, il enfila son casque, prit son bouclier dans la main gauche, sa fourche dans la main droite et avança d'un pas guerrier. « Si tu te rends sans résister, dragon, je ne te ferai pas de mal !» s'écria Sébastien. Cette fois, le dragon perdit son sourire. La plaisanterie avait assez duré. Il souffla sa plus belle flamme vers le garçon. Sébastien se cacha derrière son bouclier et tendit sa fourche vers la créature. Chauffés par la flamme, les grains de maïs se transformèrent en pop-corn et pétaradèrent en direction du dragon. Aïe! Ouïe! Aïe! Aïe! Aïe! Cria le dragon qui reçut les premiers projectiles dans les yeux. Sébastien profita que son adversaire ne voyait plus pour le contourner. Et pan! Pan! Pan-ta-pan-ta-pan! Dans les fesses! Oui! Aïe! Oui, oui, oui! Hurla encore le dragon en se tenant les fesses! Il s'enfuit dans la plaine, poursuivi par le jeune garçon. Au secours! Cria le dragon. Aïe! Oui! Assez! Maman! Au secours! Pitié! Le nouveau chef cuisinier. La grande place était illuminée de lampions. On y fêtait la paix retrouvée. La chanteuse du groupe Juliette et les Troubadours chantait « Et le dragon Gascon, con, con, con, a été proprement jeté de son donjon. Et le dragon Gascon, con, con, con, est devenu maintenant le plus fameux des... » Et le public enthousiaste criait la fin du refrain avec elle « Marmiton !» Dagobert admirait Juliette. Il était fier de sa fille. « Elle a la fougue et le charisme de son père, » pensait-il, avec une modestie qui sentait un peu le moisi. Sébastien Artagnan était assis en compagnie de ses parents à la table du roi, ou plutôt Sébastien d'Artagnan, car le roi avait anobli sa famille en octroyant une particule qui, quelques siècles plus tard, allait entrer dans les livres d'histoire. Devant eux, le saladier de pop-corn était presque vide. « C'est drôlement bon, tes petits grains de maïs chauffés !» dit Dagobert en piochant les derniers. « Oui !» répondit Sébastien en souriant. « Ça s'appelle du maïs soufflé. Dommage que ça parte si vite. »« Oui !» approuva le roi. « Mais pas d'inquiétude. J'ai un nouveau chef cuisinier qui s'est spécialisé dans la cuisine gasconne. » Cette histoire vous a plu ? N'hésitez pas à me le dire par mail, Facebook ou sur Instagram. Et si vous avez envie de lire cette histoire et d'autres aventures du roi Dagobert, vous trouverez les références des livres dans les notes de l'épisode. À bientôt !